regarde au fond de tes yeux. J'y vois tes chats en masse, prêts à dévaler la colline, prêts à avaler chacune de tes peurs. Tes chats sur des bigros, tes chats sur des bigros, tes chats sur des bigros, tes chats sur des bigros. J'y vois des chats en masse, prêts à dévaler la colline, prêts à avaler chacune de tes peurs. Des chats sur des bigros, des chats sur des bigros, des chats sur des bigros, des chats sur des bigros. Yeah.